sous nos pieds. Fermez les yeux trois secondes. Radio Arverne de par les ondes. Sans trébucher, vous invite à voyager. C'est très facile, il n'y a qu'à rêver. Fini la semaine, c'est son labeur. Qui tourne comme un plateau de phonon. Y'a Christophe de l'autre côté du micro et les rois du balagogo. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Merci de nous accueillir chez vous par le biais des ondes d'Arverne en ce dimanche matin. Ou samedi soir, si vous écoutez la rediffusion, nous sommes alors samedi, et donc il est 19h jusqu'à 21h pour la rediffusion, et le dimanche en direct, 10h midi, pour eh bien les rois du bal, Christophe en votre compagnie. Vous pouvez nous écouter sur radioarverne.com ou lesroisdubal.com, ou bien sûr en direct sur le 100.2, et bien aussi toute la semaine en podcast sur le site de l'émission lesroisdubal.com. On est ensemble jusqu'à midi, c'est l'accordéon Les Rois du Bal sur Radio Arverne. Vive les dimanches matins, l'émission qui tourne comme un plateau de phono. Y'a Christophe de l'autre côté du micro et les rois du bal à gogo. Que c'est beau de voir le monde. Qu'elle tourne sous nos pieds. Fermez les yeux trois secondes. Radio Arverne de par les ondes. Sans trébucher, vous invite à voyager. C'est très facile, il n'y a qu'à rêver. D'un ailleurs fait de mille couleurs. Radio Arverne, radio du bonheur. Dimanche, 10h midi. 10h midi. C'est les Rois du Bal sur Radio Arverne. En rediffusion le samedi, 19h, 21h. Écoutez, découvrez. Radio Arverne. 100.2. Et si on dansait le passo avec Maurice L'Archange. We'll be right back. Rendez-vous espagnol à l'instant avec Michael Richard. Et juste avant Michael, c'était Maurice l'Archange pour tout remettre dans l'ordre. La valse savoisienne arrive tout de suite sur le 100.2 d'Arverne. On va partir en Savoie avec Michel Plujot. On voyage dans l'émission Les Rois du Bal. Après le Paso Doble et l'Espagne, voici la valse savoisienne. Voilà notre ami Michel Prouvot avec la valse savoisienne. On part avec Brin de Muguet, ça tombe bien ce dimanche 1er mai. Et on va retrouver Belle Rose d'Auvergne. En plus, on va partir avec le Muguet et la Rose d'Auvergne avec Sébastien Perrin. Grand souvenir de notre ami Roger Six. Elle a les yeux noisettes, ses cheveux sont dorés. Il y a un air de fête sur son visage aimé. Quand tu danses avec elle, je voudrais la serrer. Bien fort ou contre moi, seulement je n'ose pas. Mais je lui chante à l'oreille, Brin de Muguet, mon ami du dimanche. Dis Brin de Muguet, c'est pour toi que je chante. Si tu voulais, nous irions toi et moi d'un tour dans les bois sous les branches. Brin de Muguet, tu empâmes ma vie. Je ne crois pas qu'un beau jour je t'oublie. Mais si un jour tu peux te libérer, tu viendras dans mes bras à jamais. Belle rose d'Auvergne, viens fleurir dans mes bras. Donne-moi ton parfum, je ferai de toi le plus beau des jardins. Ton parfum qui s'imprègne, mais mon cœur en émoi. Je suis bien près de toi, je suis fou de joie, viens fleurir dans mes bras. J'ai rencontré un beau matin une

Ici à l'instant avec ce brin de muguet que nous avons retrouvé, que nous vous offrons en ce 1er mai avec bien sûr l'orchestre de Roger Si sur l'album de Roger en 1998. Voilà, ça nous rappelle des souvenirs ce morceau. On va continuer tout de suite, on va partir avec Allez-y les marcheurs et c'est Alain Musichini que nous retrouvons tout de suite sur le 100.2 d'Arverne. Nous étions en compagnie de notre ami Alain Musichini et dans cette émission Les Rois du Bal. Et oui, on va retrouver tout de suite Mathieu Martini avec l'accordéon et mes chansons qu'on retrouve sans plus tarder sur le 100.2 d'Arverne. On va essayer de demander de la part de fidèles auditeurs pour leur plaisir plus certain. Et voilà, on vous la dédicace. C'était sur Facebook. Merci. Nous voilà réunis, ensemble on va danser. Dehors la foule est déjà rassemblée. Nous allons célébrer nos chansons, nos succès. Alors le bal il peut bien commencer. Un pas ou une java, une valse ou un tango. Une mazurka ou bien un fandango. Un twist, un rock'n'roll, un baillon, une rumba. C'est sûr pour tous il y en aura. Voilà réunis, nous avions rendez-vous. Avec vous mes amis, faisons les fous. Mais quel bonheur, mais quelle passion, l'accordéon et mes chansons. Mais quel plaisir, ici ce soir, sous les lampions, avec moi vive l'accordéon. Vos sourires et vos joies, les gens qu'on aime, on ne les oublie pas. Si je pouvais demain, je serais encore là, mais la ronde aux chansons, elle n'attend pas. Une marche, un sirtaki, un cha-cha, un mambo, une tarentelle ou bien un boléro, un reggae, une bossa, un disco, une salsa, c'est vrai pour tous, il y en aura. M'avez attendu, soyez en remercié. Avec vous, mes amis, on va rêver. Mais quel bonheur, mais quelle passion, l'accordéon et mes chansons. Mais quel plaisir, de vous à moi. C'est vrai, vous ne l'oublierez pas. L'accordéon, l'accordéon, l'accordéon et mes chansons. Ici ce soir, les lampions, avec moi vive l'accordéon. Mathieu Martini, son ensemble à l'instant avec l'accordéon et mes chansons. On vient de l'écouter avec grand plaisir. Allez, c'est l'heure, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, 10h27 ou 19h27, hein, tout dépend si vous écoutez la rediff ou l'émission en direct. En direct, c'est le dimanche matin, vous le savez. On va retrouver le boléro. Vous l'aimez, le danser, le boléro, vous me le dites à chaque fois qu'on vous rencontre dans les bals, dans les festivités. Et puis quand on se rencontre un petit peu partout en France, merci de votre fidélité, vous êtes très nombreux à nous écouter chaque week-end sur Arverne. Allez, voici tout de suite le premier boléro, ça s'appelle Vivre à deux, et ensuite on continue le boléro avec Laurent Michelotto, un soir de boléro. Allez, c'est parti, sans plus tarder, Vivre à deux, boléro. Aux premières années, on était tellement amoureux. Restaurant, sortie et ciné, on était toujours si joyeux. Fiancés, on voit tout en rose, même si le ciel n'est pas très bleu. L'important c'est de vivre ensemble, et le reste nous importe peu. Aujourd'hui et de plus en plus, vivre à deux, c'est très compliqué. On se heurte, on se comprend plus, et l'on boude chacun de son côté. C'est très compliqué. On se heurte, on se comprend plus, en boude, chacun de son côté. Et dès lors on pense plus qu'à ça. Elle arrive mais c'est plus la fête. Où vas-tu? Ah non, reste là. Aujourd'hui et de plus en plus, vivre à deux, c'est très compliqué. On se heurte, on se comprend plus, et l'on boude chacun de son côté. On se heurte, on se comprend plus, et l'on boude chacun de son côté. Ça s'appelle ce boléro d'amour et c'est Thierry Bonnefou qui nous l'interprète. En ce dimanche matin, on va coller serré avec ce boléro au chaque samedi soir de 19h à 21h. Merci d'être avec nous fidèles dans les rois du bal. Et on a envie d'applaudir ce boléro magnifique, ce boléro d'amour avec Thierry Bonnefou sur son album. Thierry Bonnefou, tout simplement, avec tout son ensemble. C'était sur accordéon, arc-en-ciel, que vous pouvez vous procurer encore auprès de Thierry. Et on part avec son Tcha-Tcha, l'album numéro 5 de Gérard Gouni, avec le Tcha-Tcha que nous retrouvons tout de suite. Devant ce balancement qui attire mon attention, cette forme de déhanchement qui suscite l'admiration, je ne peux que rester là planté à me délecter de son tcha-tcha et de sa façon de bouger. Devant ce tempérament, je voudrais boire la potion qui me donnerait le cran de prendre une bonne décision. Et je demeure assis là, complètement subjugué par son tcha-tcha et son incroyable beauté. Pour y goûter, j'ai appris et suivi quelques leçons. La faire danser, ma jolie, c'est mon but et ma passion. Du tcha-tcha, j'en ai envie, mais je lui demande pardon. Très très timide, je le suis, limite à ses poltrons. Dans mon délire, je prends ma rage à deux mains. J'ai le désir de devenir son cubain. Et quel plaisir de se montrer pas soudain. Voir son sourire quand dans mes bras je l'étreins. Dans son soupir, je me réveille pas malin. Je l'entends rire avec tous ses copains. C'est le point de mire dans son costume en satin. Plaisir de se montrer pas soudain. Voir son sourire quand dans mes bras je l'étreins. Dans son soupir je me réveille pas malin. Je l'entends rire avec tous ses copains. C'est le point de mire dans son costume en satin. Quand je l'admire toujours de loin. Pop, rock et country, c'est Radio Arverne. Écoutez. Radio Arverne 100.2. Et c'est aussi l'accordéon. Hey, hey, hey. Papito, yo quiero bailar contigo. Baila. El cha cha cha. We'll be right back. la fiesta. Cha cha cha dans les rues de Cuba. Cha cha cha le roi de la Luba. Cha cha cha nous y voilà. Cha cha cha on va faire la fiesta. Cha cha cha dans les rues de Cuba. Cha cha cha le roi de la Luba. Oui, le cha-cha-cha, cœur de cha-cha-cha. Nouveauté sur Orverne ce matin avec ce morceau tourné Montmartre sur l'album de Michael Vigneault que on vous fait découvrir ce matin avec ce premier morceau cœur de cha-cha-cha. On va rester avec Michael Vigneault puisque on va retrouver un morceau tout simplement, c'est la Biguine, ça s'appelle Dolce Vita avec toi. On le retrouve tout de suite. Michael Vigneault. Dolce vita, dolce vita. Avec au cœur aussi, il me semble bien reconnaître les frères Jérôme et Michael Richard. Eh oui, écoutez bien. Les rois du bal sur Radio Arverne. En rediffusion le samedi, 19h-21h. Écoutez, découvrez. Radio Arverne. Le tango, mesdames, messieurs, vient dans mon tango, que nous retrouvons tout de suite. Avec Poema, avec Michel Laroche, Bernard Marly et Hubert Ledent.

de longs couplets, des nuits brèves, des jours nouveaux pour comprendre l'amour, les mots tendres, des mélodies, des rengaines, comme les passions et les peines, tel l'artiste sur la scène, quand il joue son refrain. Viens danser, je t'invite aux musettes, entre nous on peut perdre la tête, sur tous les refrains de ma jeunesse, de tendresse en promesse. Viens danser, je t'invite un dimanche, dans un petit cabaret sous les branches, quelque part à Meudon, nos gens ou Charenton, quelle chance dans l'ambiance. La marne à Torcy, de Joinville à Lagny, une aubaine pour nos vies. J'ai des souvenirs d'artistes, autant des impressionnistes. Renoir, Monet font la fête, parfum, guinguette. J'entends l'accordéoniste sur un morceau réaliste. Seul il fait pleurer les filles quand il joue ce refrain. Viens danser, je t'invite aux musettes, entre nous on peut perdre la tête, sur tous les refrains de la jeunesse, de tendresse en promesse. Viens danser, je t'invite un dimanche, dans un petit cabaret sous les branches, quelque part à Meudon, nos gens ou Charenton, quelle chance dans l'ambiance. Sur la marne à Torcy, de Joinville à Lagny, une aubaine pour nos vies. Je t'invite un dimanche, dans un petit cabaret sous les branches, quelque part à Meudon, nos gens ou Charenton, quelle chance dans l'ambiance. Sur la marne à Torcy, de Joinville à Lagny, une aubaine pour nos vies. Vous écoutez Radio Arverne. On entame la deuxième heure de l'émission Les Rois du Bal. Dimanche, 10h midi. 10h midi. C'est Les Rois du Bal sur Radio Arverne. En rediffusion le samedi, 19h-21h. Écoutez, découvrez. Radio Arverne. 100.2. Voilà, merci d'être fidèle à notre rendez-vous. On est ensemble, eh bien, jusqu'à midi pour cette deuxième heure de l'émission Les Rois du Bal, ou bien sûr 21h. Si vous écoutez, c'est qu'il est 20h passé de 2 minutes, 11h02 sur Arverne. On continue avec le Passo Doble, puisque c'est lui qui ouvre cette deuxième heure, avec Pierre Mussy et Passes au Passo. Thank you.

En rediffusion le samedi, 19h-21h. Écoutez, découvrez. Radio Arverne. 100.2. On va danser la Mariana, bien sûr. Vous partirez sur votre gauche, c'est ça. Et je vous donne le départ. C'est moi le chef de gare. Attention. Ah oui. C'est parti. Et voilà. C'est une belle musique, c'est un souffle magique, c'est un joli soleil rien que pour toi. C'est une belle lumière, un paradis sur terre, qui fait chanter la vie à chaque fois. Au pays des vacances, tous les jours c'est dimanche, moi je lance avec toi sur ces airs-là. Un beau jour sur la guitare d'un musicien, il a fait danser Pedro Lito et ses copains. Il a fait chanter le monde entier dans un refrain. Et le voilà qui résonne jusqu'à toi. On chante le refrain. La Mariana. Merci. C'est une danse latine qui retient la nuit. Une mélodie divine, belle à l'infini. Allez, danse encore, tout près de moi. La Mariana. Fini la solitude et les jours de pluie. Je t'entends comme un cri, tu es si jolie. La Mariana. Allez, on chante. La la la la la la la la la la la la. C'est beau. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Le refrain ensemble. La Mariana. C'est une danse latine qui retient la nuit. Une mélodie divine belle à l'infini. Allez, danse encore. Tout près de moi. La Mariana. Fini la solitude et les jours de pluie. Je t'entends comme un cri, tu es si jolie. La Mariana. Continue encore un peu. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. On vous écoute. La la la la la la la. À vous. La la la la la la la la la la la la la. Magnifico. La la la la la la la la la. On est parti avec qui sait eh ben, Achille Pellegrini, bien sûr. We'll be right back. À l'instant, Quando avec Achille Pellegrini sur l'album Méga Musette que vous pouvez peut-être encore retrouver chez tous les bons disquaires. On continue avec le swing, sa swing au Madison, Michael Vigneault que nous retrouvons sur le 100.2 d'Arverne. Restez bien fidèles. Dans quelques minutes, on va retrouver les balles et festivités de notre et de votre région. Allez, on est parti avec le Madison. Ça swing au Madison. Michael Vigneault. Le saxophone, le piano, le trombone, sonne et résonne avec Duke Ellington. C'est tout comme au temps du club Cotton. Au Madison, clarinette, vibraphone, vibre et résonne façon Lionel Hampton. C'est tout comme au temps du club Cotton. La Varenne, sur la 42e, c'est le même, c'est tout fidèle, c'est le jazz que l'on aime. Ça swing au Madison. L'ambiance est optimale. Ça swing au Madison. Oui, ça balance. On est sur la fréquence. Freedom of Liberty. Au Madison. Quand on vit en Ménagone. Ça swing au Madison. Le Madison, on va retrouver les Yé-Yé Madison. Et ben, j'attendais le piano, mais enfin, il n'y a pas eu le piano à la fin. Le Foxtrot, on va le danser maintenant. Avec le Fox Metrot et Mathieu Chouka sur son album. Et puis, on aura un autre Fox juste après. Merci de votre fidélité. On est ensemble jusqu'à midi dans l'émission Les Rois du Bal. Christophe, oui, on est là, on est bien. Hein, ce dimanche 1er mai, voilà. On va retrouver, bien sûr, l'accordéon. Et puis, les bals et festivités de notre et de votre région. Allez, on part avec Mathieu Chouka. We'll be right back. Piano à Bretelles vous donne rendez-vous sur Arverne. Retrouvez vos morceaux préférés, vos dédicaces, les jeux, les cadeaux des invités, les bals et festivités de votre région, chaque dimanche de 10h à midi et le samedi de 19h à 21h. L'accordéon est roi avec Christophe dans Les Rois du Bal. C'est leur chanson d'amour, tournée en cadence. C'est la valse de France, c'est la plus jolie danse, celle bien sûr que nous préférons, avec aisance, sur un air de vacances. Cette valse de France vient du cœur d'un accord. Et voilà à l'instant la valse de France avec Gérard Gougny et son ensemble que vous avez pu apprécier et écouter, puis chanter bien sûr ces paroles de notre ami André Rock, que nous allons retrouver tout de suite d'ailleurs avec une autre valse qui s'intitule tout simplement « Tous les accordéons du monde », que nous retrouvons tout de suite sans plus tarder. Et puis je crois qu'il y a à la feuille aussi dessus. Qu'un nouveau millénaire vient de naître. fenêtres, jetons des fleurs du haut des balcons, peignons en bleu les carreaux des fenêtres, le ciel entrera dans nos maisons. Accorderont peut-être un jour pour enchaîner au fil des ondes l'immense ronde de l'amour. Ne tirez pas sur le pauvre pianiste, le style musette, c'est pas son rayon. Laissez la valse à l'accordéoniste, lui seul connaît l'air et la chanson. On part avec la bachata, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, après tous ces accordions du monde. Ah, ça sent bon l'été, hein. La bachata. Bachata, mi amor, danse encore et encore, c'est un voyage. Sur une île jolie comme un trésor. Oh oh oh, bachata, que calor. Moi je veux danser, t'embrasser, señorita. C'est si beau de rêver dans tes bras. La bachata, belle dominicaine, si belle et si sensuelle. La musique et l'amour me oh, oh, oh, c'est la bachata qui enflamme nos nuits dans la chaleur d'été. Jolie fille, viens danser, s'enrouler. Écoutez Radio Arverne sur le net www.radioarverne.com. Allez, madame, mademoiselle, monsieur, il est l'heure pour nous de retrouver les bals et festivités de notre et de votre région. Je vous rappelle que Arverne, vous annonce les bals dans l'émission Les Rois du Bal, ne serait tenu pour être responsable, bien sûr, si une manifestation que je vous annonce était annulée ou que on ne l'est pas du tout, et que elle soit annulée, Arverne pourra en être tenu pour responsable. Voilà, tout simplement, vous le savez, c'est comme ça depuis 18 ans dans l'émission Les Rois du Bal. On retrouve tout de suite les bals et festivités avec Fabien Pérez qui sera lui au Madison à Cône d'Allier. Gilles Roubertou sera lui en ce dimanche 1er mai à la salle des fêtes de Châtel-Guyon, donc Gilles Roubertou. Jean-Pierre Coustet sera lui au Tango à Saint-Lieu-les-Lavaures. Les arcades de Barjavel à Courpierre accueillent Tropical Musette. Le casino du Mont d'Or, à partir de 15h et de ce jusqu'à minuit, il y aura notre ami Thierry Bonnefous. Gilles Orchestra sera lui l'invité du Dancing La Belle Époque à Puyillom. Laurent Béroyer sera lui au Diams à Montluçon. Jackie Bruel sera lui l'invité des Mélodies de Nacratul. Et l'ami Serge Foury sera lui au casino de Noirétable. Et puis le 2 mai, ça sera demain, il y aura un spectacle, Vos années bonheur, à partir de 15h, au théâtre du Casino de Roya. Et puis, le mercredi 4 mai, vous allez avoir une initiation à la danse, à partir de 19h, ça sera aux arcades de Barjavel, à Courpierre. Et puis, détente musicale au kiosque de Châtel-Guyon à 16h avec Jean-François Blanc le mercredi 4 mai. Et puis à Gerza commencera la 11e édition du Festival International de Chant Choral. Ça sera aussi le mercredi 4 mai, bien sûr. Ça commencera le 4 mai, mais ça se poursuivra le 5 mai. On continue dans les bals et festivités de notre et de votre région, bien sûr, avec le jeudi 5 mai, Jean-Michel Blanc sera lui au casino de Noirétable. Mathieu Martini sera à l'Éden, à l'Estable, je vous salue au passage, au Féline, donc dans le 43. Vous pouvez réserver, hein, puisque ça sera à partir de 14h30 et puis jusqu'à minuit. Puis il y aura un buffet à 20h. Réservation 04 71 00 99 82. On va aller voir Mathieu Martini à l'Éden à l'Étable, à Féline dans le 43. 04 71 00 99 82. Et puis pour réserver aussi pour le buffet. On continue avec ce jeudi 5 mai, puisque ce sera férié et on pourra aller danser un peu partout en France. Serge Foury sera lui à l'air du temps en baraque à Cussac-sur-Loire. Pascal Terrible sera lui au Madison à Cône d'Allier. Un gala d'accordéon, le Tour de France de l'accordéon aux arcades de Barjavel à Courpierre. Christian Rock sera lui aux Mélodies de Tnacre à Tulle. Toujours le 5 mai, hein, jeudi prochain, Pascal Jamon sera lui à la Belle Époque à Puy-Guillaume. Voilà, qu'on se le dise, jeudi 5 mai, et ouais, ça dansera toute la journée puisque il y aura plein de choses à faire. Et puis on continue tout de suite avec le vendredi 6 mai. Il y aura beaucoup de choses en ce début mai. Le 11e festival international de chant, son et de chorale, ça sera à Gerza, toujours à la salle Cornillon et puis un peu partout dans Gerza. Le vendredi 6 mai, on retrouve l'ami Alain Chanon à l'Indian Saloon à Rion. Vous retrouverez Pascal Jamon, lui, à Moulins, le vendredi 6 mai. Et puis Kevin Bourget sera, lui, aux arcades de Barjavel à Courpierre. Samedi 7 mai, 11e festival international de chant choral à Gerza, toujours. Et puis vous retrouverez Jean-Pierre Coustet à Bord-les-Orgues dans le 19, du côté, bien sûr, Corrèze. Puis le 7 mai, Pascal Jamon sera lui à Moulins. Et Fabio sera lui au Madison, à Cône d'Allier, le samedi 7 mai. Et puis tiens, une info, le dimanche 15 mai, il y aura un gala d'accordéon à Vallée-sur-Soldre, dans le Cher, dans le 18 à 14h30, avec les accordéonistes suivants, Sébastien Farge, Audrey Couette, Karine Ray, Daniel Rebel, Elsa Gourdi, Daniel Hetz, Jean-François Carcagno, Guillaume Gentil et Pascal Bourg et son orchestre. Ça sera à Vallée-sur-Soldre le 15 mai avec tous ces accordéonistes. N'hésitez pas à réserver vos places dès à présent. Ça sera sur le site de l'émission Les Rois du Bal. Gala d'accordéon, donc à Vallée-sur-Soldre, avec pas très loin de Bourges d'ailleurs. Et de Saint-Amand, pas très loin entre Saint-Amand-Moron et Bourges, vous pourrez retrouver ce gala d'accordéon avec tous ces accordéonistes. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos bals, vos festivités à l'adresse suivante, Radio Arverne, Les Rois du Bal, Christophe, Espace La Vague, place Marcel Collange, 63 360 Gerza. Je vous rappelle que si une manifestation n'a pas été annoncée, ou une manifestation annulée et annoncée, et qu'Arverne n'ait pas été informé, Arverne pourrait en être tenu pour responsable. Voilà, les bals et festivités de notre et de votre région sont terminés. Vous pouvez les retrouver sur le site lesroisdubal.com. Vous avez toutes les informations sur notre site. Alors n'hésitez pas à aller les retrouver. Merci de votre fidélité encore une fois. Merci d'être avec nous. Allez, un joli tango. C'est avec l'ami Jérôme Robert que nous allons nous quitter, refermer cette émission Les Rois du Bal. Merci d'avoir été fidèle à notre rendez-vous de l'accordéon. On se retrouve samedi soir, 19h-21h pour la rediffusion. Et puis, bien sûr, vous n'hésitez pas à aller podcaster l'émission sur le site lesroisdubal.com. On a été très heureux, toute l'équipe, d'être avec vous en ce dimanche matin. On se retrouve samedi soir, 19h-21h pour la rediffusion. Dimanche prochain, avec l'émission en direct. Et puis, les balais festivités que vous retrouvez sur toute l'équipe, sur, bien sûr, le serveur de l'émission Les Rois du Bal. À dimanche prochain, salut, très bonne semaine, très bon week-end du 1er mai. Soyez prudents sur les routes. À dimanche prochain, salut. Tout en dansant dans mes bras, ta robe blanche de soie tourne autour de moi. Grand gars de gens ont pu rêver ensemble sur sa musique d'histoire brûlante. Joli tango, tu fais tanguer nos pauvres cœurs. Corps serré contre ma peau, je donnerai tout pour un tango.